Pour la première fois en France. Pour la première fois en France, le tunnel de ces dames. Skip the bottom, skip the bottom, I'm a tunnel. I'm a tunnel. I'm a tunnel. Le tunnel de ces dames. Elle est arrivée à 8h15, même si le rendez-vous c'était 8h30. Le pire dans l'histoire c'est que j'étais trop en retard, car à 8h15 je sortais de mon lit. Ce qui m'a réveillé c'est la sonnette du couloir. J'avais la tête dans le cul et en plus j'avais vomi. C'est pas génial génial pour un troisième rencard. Et c'est sans compter que je la trouvais jolie. Et je chie comme d'habitude, c'est trop la merde et je chie. C'est pas de ma faute, c'est ma façon d'être, c'est ma vie. Et je vous emmerde, bande de gros nazes du zizi. Une meuf qui était vraiment trop bonne. Je lui ai filé mon sandwich quasi terminé. Je la voyais déjà bouffer ça comme une grosse cochonne. Et ensuite je l'aurais emmené chez moi maté au MPSG. Mais ça c'était dans ma tête, tout devait bien se passer. Au début c'était bien, elle trouvait ça mignon. Mais elle a pas trop apprécié le goût master pâté. Alors j'ai évité de lui filer suie au saucisson. Et je chie comme d'habitude. C'est trop la merde et je chie. C'est pas ma faute, c'est ma façon d'être, c'est ma vie. Et je vous emmerde, bande de gros nazes du zizi. I'm a tunnel. I'm a tunnel. Le tunnel de ces dames. Un truc infaillible, c'est quand je fais les courses. Genre je vois une meuf bien foutue et je prends tout comme elle. Mais à la caisse au moment de sortir la bourse, je me suis fait caler, j'avais des vagnas à la pelle. Un autre truc infaillible, c'est de les faire rire. Genre tu vas au rayon fruits, tu fous tout par terre. Tu fais la toupie avec de grands sourires, jusqu'à ce que le vigile te prenne par derrière. Et je suis comme d'habitude, c'est trop la merde. Et je chie. C'est pas de ma faute, c'est ma façon d'être, c'est ma vie, vie. Je vous emmerde, bande de gros nazes du zizi, zizi. Ça y est, ce soir, je m'en suis géré une. Elle est déjà là, elle a l'air d'avoir chaud. Elle enlève ses vêtements, putain, qu'est-ce qu'elle m'allume. Bizarre, entre ses jambes, y'a un truc en trop.